Saint Sever, Saint Clément et Saint Just, de Contes, Récits et Scènes en vers, par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Saint Sever, Saint Clément et Saint Just, à Camille Doucet. Si vous me ressemblez, vous avez en vous-même deux avocats partant de points de vue extrêmes, et pour ceux n'ayant pas le même sentiment. L'un s'appelle Sever et l'autre a un nom Clément. Ces deux collègues nés, amis quoiqu'adversaires, bras dessus, bras dessous, vont plaider leurs affaires devant le tribunal d'un grave président, lequel se nomme Juste. Homme sage et prudent, juge ne relevant que de sa conscience, mais vieux et s'endormant parfois à l'audience. Quelque peu sourd aussi, croyant moins aisément le contre que le pour, sévère que clément. Devant ce tribunal, enclin à l'indulgence, le débat tous les jours finit et recommence. Juste me dit, « Venez, vous avez reconnu que ce doit être moi qui suis le prévenu, sans quoi, comment serais-je au courant de l'affaire ?»« La parole, dit Juste, est à Maître Sever. » Celui-ci, me fixant de ses yeux grands ouverts, me sondant, me scrutant de face et de travers, s'écrie, « Oh, misérable, abîme d'artifice, source d'impureté, vous avez tous les vices !» « Pardon, » répond Clément d'un ton de voix plus doux. « Il en a quelques-uns, mais ne les a pas tous. »« Tous, ai-je dit, oui, tous, sans un seul en rabattre. »« Et si je puis prouver que deux et deux font quatre, je vous démontrerai coupable des défauts que l'on nomme à bon droit les péchés capitaux. »« Je les prends au hasard. D'abord, l'orgueil. » L'envie, soit, mais la liste est longue et veut être suivie, dit Clément. Je conviens que de ces deux péchés, un homme partial peut nous croire entaché. Nous dénigrons un peu les qualités des autres en exigeant qu'on rende ample justice aux nôtres. Et nous ne laissons pas mettre au-dessus de nous des gens qui doivent être estimés au-dessous. Bien faire, c'est l'orgueil, et faire mieux. L'envie. C'en est trop. Il propose en exemple sa vie. Messieurs les avocats, dit le bon président, vous allez un peu loin tous les deux. Cependant, poursuivez. Vous pouvez parler, Maître Sever. La cour en est témoin. Vous avez la colère. Nous sommes sur ce chef atteint et convaincu. Oui, lorsque nous voyons l'influence aux écus, l'humanité livrée à la diplomatie, le succès littéraire acquis à l'ineptie, notre colère éclate à rencontrer partout la honte de l'esprit et la chute du goût. Ici, le président arrêta la réplique. Avocat, je défends qu'on parle politique. Arrivons, dit Sever, à l'avarice. Bon, pour ménager le bois, nous brûlons du charbon. En apprenant à vivre avec peu de dépenses, nous sauvons notre honneur et notre indépendance. À qui naît indigent, l'avarice est vertu. Qu'en dit l'accusateur? Je ne suis pas battu. Car vous permettrez bien, messieurs, que je vous dise que l'indigent n'a pas droit à la gourmandise. Je suis pris, dit Clément, et je n'objecte rien. Sinon que l'estomac chez nous digère bien. Et que de deux morceaux soumis à son empire, la main choisit plutôt le meilleur que le pire. Ce n'est pas tout. Je sais qu'il en reste encore deux. La paresse. C'est vrai, nous sommes paresseux. Et le reste. C'est vrai, nous avons le cœur tendre. Sur ce point, mon client n'oserait se défendre devant aucun témoin. J'invoque le huis clos. Alors, vous avouez. Chut. Encore deux mots. Clément, prenant à part l'oreille de Sever, lui dit, « Souvenez-vous que je suis votre frère. Comme ils parlaient entre eux, et de plus en plus bas, Juste, étant un peu sourd, ne les entendit pas. « Accusé, me dit-il, je vous crois bien coupable. Les délits sont flagrants, la preuve en est palpable. Mais puisque le meilleur pêche 7 fois par jour, que vous-même avouez vos erreurs à la cour, puisque vous invoquez certaines circonstances qui peuvent mitiger l'aigreur de nos sentences, puisque la nuit arrive et que je me sens là, allez, je vous absous, mais n'y revenez pas. » Et voilà tous les jours comment cela se passe. En répondant pour moi, Clément obtient ma grâce. À moi-même, à sévère, à juste, je promets ce que je veux tenir et ne tiendrai jamais. Fin de Saint-Sever, Saint-Clément et Saint-Just.